En l'espace d'une dizaine d'années, l'arbre généalogique de l'être humain s'est considérablement diversifié. Denisovien en 2010, Naledi en 2015, les plus anciens sapiens en 2017, Luzonensis en 2019, ce qui change considérablement notre conception de l'évolution de l'espèce humaine. Ainsi, il y a 300 000 ans, ce ne sont pas moins de 9 espèces qui foulent le sol de notre planète. Elles sont encore 5 il y a 50 000 ans pour se réduire à une seule, la nôtre, Homo sapiens, il y a 10 000 ans. Il était grand temps de rassembler ces connaissances pour les mettre à jour. C'est ce que fait le paléo-anthropologue Antoine Balzo dans son nouveau livre. Antoine Balzo, dessine-moi un humain, c'est le programme évolutif qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et bonjour Antoine Balzo. Bonjour. Merci beaucoup d'être à ce micro, on est ravis de vous y retrouver. Vous êtes paléo-anthropologue au CNRS et au Muséum National d'Histoire Naturelle, spécialiste du cerveau humain. Vous êtes donc l'auteur de cette brève histoire des origines de l'humanité. C'est chez Taillandier, préfacé par Yves Coppens. On vous retrouve dans quelques minutes, juste après le chaînon manquant entre les sciences dures et les sciences vulgarisées. C'est évidemment Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence avec une étude parue dans la revue Nature Communication. Les roches lunaires rapportées sur Terre par Chandjie-5 contiennent de l'eau. Et des missions d'exploration de la Lune avec retour d'échantillons, il y en a très très peu. La Chine, c'est le troisième pays à avoir réussi à le faire en 2020 grâce à son rover Chandjie-5. Grâce aux mesures spectrométriques in situ, les chercheurs ont pu mesurer directement sur place les niveaux d'eau dans le sol et ils les ont comparés avec des mesures d'orbiteurs. Et surtout, ils ont analysé ces échantillons lunaires. Il existe de l'eau. On en trouve dans ces échantillons, mais en de très très faibles quantités. 28,5 parties par million, ce sont des roches très sèches. Alors, l'objectif de ces mesures, c'est de comprendre l'origine de l'eau sur la Lune, car cela fait encore débat, on ne sait pas d'où elle vient. Et d'autre part, je rappelle que la Chine a la volonté de s'installer de manière durable sur la surface de la Lune, au niveau du pôle Sud, de la même façon que le programme Artemis de la NASA. Ces types de résultats sont donc déterminants pour les futurs projets d'exploitation de ressources lunaires. Stéphanie Lizy-Destré est enseignante-chercheuse à l'ISAE Super-Héros. Alors, il y a plusieurs hypothèses. C'est soit de l'eau qui vient de la formation de la Lune, qui a été emprisonnée dans le magma, soit c'est de l'eau qui vient du vent solaire, soit ça peut être de l'eau qui vient également, parce que la Lune est bombardée régulièrement par des astéroïdes, et donc l'eau pourrait être venir d'un autre corps étranger et avoir été déposée. Il y a même des hypothèses scientifiques récentes qui disent que peut-être que cette eau qu'il y a sur la Lune vient tout simplement de celle qu'il y a de la Terre et qui a été éjectée et qui arrive jusqu'à la Lune. Donc l'objectif de l'article est d'essayer d'identifier l'origine de cette eau. Sachant que le plus gros courant scientifique était de dire que l'eau qui était à la surface de la Lune venait du vent solaire. Donc ce qui est super intéressant dans cette étude, c'est que bon, déjà il faut se resituer sur le site d'atterrissage. Parce que Chang'e 5 a été mis dans une zone qui n'avait pas été du tout explorée ni par les missions Apollo, ni par les rovers lunaires russes. En fait, la mission Chang'e 5, elle s'est posée sur l'océan des tempêtes, qui est un peu à l'ouest, au nord-ouest des zones qui avaient déjà été étudiées. Pourquoi ils se sont mis là? Parce que c'est une zone qui est très plate. Et ça veut dire qu'elle n'a pas été bombardée. Donc, il n'y a pas de cratère. Donc, ça a l'intérêt de comprendre et c'était d'aller voir si les niveaux d'eau qu'on allait rencontrer pouvaient justifier qu'il y avait de l'eau qui était propre à la Lune et pas venue de corps étrangers ou du vent solaire. Selon leurs conclusions, il y a effectivement de l'eau qui vient du vent solaire, mais il pourrait y avoir de l'eau qui vient de la formation de la Lune. C'est pas comme dans les cratères où on va avoir de l'eau sous forme de glace qui est accessible, mais là, elle est plutôt emprisonnée, en fait, dans d'autres matériaux. On est sur des niveaux qui sont faibles, qui sont à 28,5 ppm. Et si vous voulez retrouver l'étude originelle publiée dans Nature Communications, nous vous l'avons postée comme chaque jour sur notre fil Twitter @lamethodefc ainsi que sur le site de l'émission sur franceculture.fr. Et on passe au bref. Selon le Bureau des recherches géologiques et minières, en France, les nappes phréatiques sont au plus bas. Oui, et ces experts alertent sur un risque de sécheresse généralisée à l'échelle du pays. À l'exception des Hauts-de-France, de la Haute-Normandie, du nord de l'Île-de-France et du nord-est de l'Occitanie, toutes les régions sont concernées par des nappes d'eau souterraines au niveau particulièrement bas. Nous ne sommes que le 16 juin et l'usage de l'eau est déjà restreint dans 36 départements. 6 sont même classés en état de crise. À cause des faibles précipitations hivernales, les réserves souterraines ne se sont pas rechargées efficacement. Le Bureau de recherche géologique et minière a également annoncé qu'il n'y avait aucune amélioration attendue avant l'automne. D'autant que les actuelles canicules, particulièrement précoces et intenses, vont aggraver ce phénomène. Le CNRS dévoile aujourd'hui les 4 lauréats 2022 de la médaille de l'innovation. Et depuis 10 ans, ce prix récompense les chercheurs à la tête d'innovations technologiques, économiques, thérapeutiques et sociales. Cette année, les lauréats sont le physicien Jacques Marteau, pionnier de l'imagerie par muon, la biologiste en épigénétique Céline Vallot pour son travail contre le cancer, le physico-chimiste Pierre Nassois, récompensé pour ses thérapies à base de cellules souches, et enfin le chimiste Denis Spitzer, récompensé pour ses nanomatériaux sous forme de particules ultra-fines. Et enfin, selon une étude parue dans la revue Biology Letters, il y a bien plus que de la théine dans votre infusion de thé. Une équipe allemande a eu l'idée de faire des analyses d'ADN environnemental sur des sachets de thé vendus dans les commerces. L'ADN environnemental, c'est un peu les archives génétiques d'un écosystème et un outil précieux pour déterminer quelles espèces vivent dans quel environnement. Dans les feuilles séchées de thé à la menthe ou à la camomille, les chercheurs ont identifié les traces d'ADN de plus d'un millier d'espèces d'arthropodes, des insectes, des parasitoïdes, des fourmis, des araignées. Dans ces sachets, les auteurs ne s'attendaient pas à trouver, pour reprendre leur jeu de mots, une telle diversité. Et voilà, des araignées dans le thé, une bonne raison de continuer à boire du café pour vous, Natacha, tous les matins. Merci beaucoup. Et on se retrouve exceptionnellement lundi, puisque demain, c'est une émission spéciale dont je vous toucherai un mot à la fin de cette émission. Comme il est long et sinueux, ce chemin qui cherche à déconstruire notre conception de l'évolution humaine, celui qui nous a emmenés collectivement sur l'homme descend du singe ou sur la fameuse, trop fameuse malheureusement, marche de l'évolution. À ce nouveau parcours, aujourd'hui conçu comme multidirectionnel et chaotique vers la compréhension d'une évolution buissonnante, de ce puzzle auquel il manque aujourd'hui encore tant de pièces. La paléoanthropologie a fait des bonds de géant ces dernières années avec l'identification de plusieurs nouvelles espèces d'hominines. On en parlait à l'instant dans la présentation de cette émission. Également grâce à des évolutions technologiques comme la génomique, la microtomographie, l'impression 3D, l'usage du synchrotron qui permettent de faire parler des traces qui étaient auparavant silencieuses. Malgré ça, notre vieille conception linéaire de l'évolution a la peau dure. Écoutez ce qu'en dit Jean Rostand. Nous sommes dans l'émission La Tribune de Paris en décembre 1952. Et en effet, on ne pense peut-être pas assez souvent à ces êtres intermédiaires entre l'homme et le singe. S'ils existaient, s'il y avait actuellement, vivant devant nous, des chaînons entre l'animal et l'homme, nous aurions peut-être des sentiments différents par rapport à la signification de l'espèce humaine. L'espèce humaine se trouve maintenant complètement isolée dans la nature. Et au fond, elle ne l'était pas il y a quelques dizaines de millénaires. Elle était rejointe à la nature. Et actuellement, par suite de la disparition de ses ancêtres, elle se trouve maintenant séparée du règne animal. Voilà, Jean Rostand, une réaction à cette archive, Antoine Balzo. Oh ben c'est très facile. Non, il faut contextualiser ce genre de propos. C'était à une époque où, évidemment, on avait une connaissance beaucoup plus partielle de la diversité humaine du passé, moins de connaissances sur la chronologie et puis une approche plus centrée sur nous-mêmes. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'apport important, c'est de considérer à la fois les nombreuses découvertes, mais aussi d'avoir une approche plus scientifique de ces questions-là. Le point principal, en fait, c'est la manière dont on imagine tout ça, ce qu'est l'évolution. C'est vrai qu'on a souvent à l'esprit cette idée de continuité, de progrès. On mélange, quand on parle d'une évolution d'un smartphone, on pense que c'est une évolution comme ce serait la même chose en biologie. C'est un progrès technologique. En biologie, il n'y a pas de progrès. Il y a juste des variations, une diversification qui est complètement aléatoire. Et c'est ça vraiment la notion importante pour comprendre l'histoire de l'humanité. Il ne faut pas imaginer qu'au cours du temps, les humains se sont améliorés, devenus supérieurs les uns après les autres et se succédant. Ce sont juste des formes humaines qui sont apparues à cause de contraintes particulières, de changements environnementaux, de changements du milieu, de nouveaux nouveaux objectifs, etc. Et ces humains sont apparus, sont diversifiés, sans qu'il y ait de progrès techniques, sans qu'il y ait de meilleurs humains, juste de nouvelles adaptations humaines. Donc une très grande diversité. Mais comment est-ce que vous expliquez qu'on ait encore aujourd'hui du mal à se départir de cette image d'une évolution linéaire? Je parlais de ce fameux dessin qui est encore repris beaucoup et même dans des endroits où il devrait être banni. Je pense à certains manuels scolaires. Alors, heureusement maintenant ça commence à disparaître. Mais la fameuse marche de l'évolution qui montre que on part d'un singe et on arrive à la stature debout avec un Homo sapiens aujourd'hui évolué. Cette notion que je reprenais tout à l'heure sous forme de clin d'œil de chez manquant. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de tourner cette page-là ? Ça a bien avancé dans les manuels scolaires. Il y a vraiment eu une mise à jour et un souhait de précision par rapport aux données scientifiques ces derniers temps. Donc ça, c'est remarquable. En fait, la vraie limite, c'est que historiquement, on se projette dans cette histoire-là. Et depuis le début, quand on étudie tout ce qui entoure l'humain, on a tendance à sortir l'humain de l'étude de la biologie ou du milieu. Donc on considère que l'humain, historiquement, depuis des siècles qu'on travaille sur l'homme jusqu'à aujourd'hui, on considère les humains comme quelque chose de supérieur, de différent, et on cherche toujours des bonnes raisons pour justifier ça. On a, depuis le début, oublié qu'on était un résultat comme un autre, un être vivant comme un autre. On a des particularités comportementales, sociétales, c'est pas discutable, hein. Mais d'un point de vue biologique, on est juste un être vivant comme les autres. Et c'est pour ça que toujours penser que ce qui nous caractériserait, nous, d'un point de vue biologique, serait meilleur que les autres, c'est une erreur dès le départ. Et donc, si on arrive à oublier cet aspect-là, on perd cette idée qu'on a une progression au cours du temps, une amélioration au cours du temps, et donc qu'il y a des étapes. Il n'y a pas d'étapes. Il y a une diversification tout le temps avec des résultats qui sont toujours aussi bons les uns que les autres. Je le disais d'ailleurs dans une émission, pas si longtemps, garder à l'esprit que une limace, une mouche ou une girafe est aussi évoluée qu'un être humain. C'est la prolongation d'une histoire évolutive qui aboutit pour le moment à la fin d'une chaîne telle qu'on la connaît au présent. Tout à fait. En fait, l'erreur, c'est de penser qu'il y a des degrés d'évolution. Et Gould l'écrivait justement en prenant la chose à l'envers, en disant finalement, on pourrait aussi dire que les bactéries qui ne se sont pas transformées au cours du temps, pour certaines sont très anciennes, sont le summum de l'évolution. Elles sont apparues, elles sont parfaitement adaptées, elles changent plus. Et finalement, nous serions presque le déchet de l'évolution, puisque nous aurions eu à changer tout le temps parce qu'on n'était jamais adapté. Évidemment, c'était ironique. L'idée derrière, c'est de dire qu'il n'y a pas de progrès quand il se passe quelque chose d'un point de vue évolutif, c'est juste de l'adaptation. Et un grand moteur de l'adaptation, c'est surtout le hasard. Donc si on est là, c'est en grande partie par chance. Il y a quelque chose que vous développez, et on va y revenir dans votre livre, que je trouve tout à fait opérant et assez passionnant. J'aime bien cette image, vous dites finalement une espèce, c'est comme un organisme. Elle naît, elle croît, elle atteint son apogée, elle vieillit, puis elle meurt. Oui, c'est le principe de la biologie en quelque sorte, c'est ce qui se passe au cours du temps, et puis ça permet aussi de mieux imager l'évolution humaine. L'erreur que l'on a, c'est de penser cette succession dans le temps. Alors cette erreur-là, elle vient aussi du fait que dans les années 50, 70, même jusqu'aux années 2000, on avait relativement peu de fossiles et qui se succédaient dans le temps, donc il y avait cette propension à les mettre en ligne droite et à penser qu'ils se succèdent. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de fossiles, ça reste très partiel. Si on fait une vraie frise en mettant les points des fossiles, il y en a finalement assez peu. Mais on se rend compte que la plupart des espèces ont vécu en même temps. Et en fait, c'est ça qui est important, c'est de comprendre aussi que la spéciation, l'apparition d'une nouvelle espèce, c'est un phénomène qui ne fait pas qu'une espèce se transforme, c'est une petite partie d'un groupe qui va se transformer. C'est donc ça la naissance en quelque sorte. Et puis un jour, il y a la disparition, même si on continue à vivre à côté de ses descendants. On va continuer et on va discuter tout au long de cette heure de cette histoire passionnante de l'humanité que vous mettez au jour et à jour à la fois dans ce nouveau livre « Brèves histoires de l'origine de l'humanité ». Puis on parlera tout à l'heure en deuxième partie de vos travaux actuels qui sont tout à fait passionnants, de tentatives de recréation, de compréhension à partir du registre fossile de ce qu'était le cerveau de certaines de ces espèces aujourd'hui disparues. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15, nous discutons donc tout au long de cette heure avec Antoine Balzo qui vient de publier Brève histoire des origines de l'humanité aux éditions Taillandier. Alors, on a envie de dire au début encore une histoire de l'humanité. Il y en a eu beaucoup, c'est une parmi tant d'autres. Pourquoi fallait-il la mettre à jour justement cette histoire, Antoine Balzo ? Il y a toujours des découvertes, évidemment. Je crois que la particularité aussi vient peut-être de l'approche. J'ai pas voulu à nouveau raconter une histoire, compléter ou mettre par rapport aux autres ouvrages. Mon idée était aussi d'offrir un état des connaissances et puis de donner des outils au lecteur. En fait, c'est la perception que j'ai aussi de mon métier. En tant que chercheur, finalement, je fais des articles, des productions qui sont pour quelques personnes à travers le monde. On s'entend entre nous, c'est sympa, mais ça n'a pas une grande utilité. Surtout en évolution humaine, on révolutionne pas les connaissances. L'intérêt de diffuser les connaissances et de montrer ce qu'on sait et comment on le sait, ça permet de toucher plus de gens. Et mon souhait, justement, dans ce genre d'ouvrage, c'est d'arriver à expliquer ce qu'on connaît, montrer ce qui est de la science, des vraies connaissances, quelles sont les interprétations et les vraies limites. Et puis donner au lecteur aussi les moyens de comprendre la différence entre tout ça et les moyens de réfléchir aussi par lui-même. Et finalement, je crois que c'est ce qui est le plus important. Au-delà de dire l'évolution humaine, c'est ça, c'est expliquer ce qu'on sait et puis donner aux gens la possibilité de le comprendre par eux-mêmes pour après justement mieux saisir tout ce qui peut apparaître, tout ce qui va être découvert dans les années qui viennent. Mais expliquer ce qu'on sait aussi, expliquer ce qu'on ne sait pas. C'est-à-dire que ce qui est passionnant quand on se plonge dans votre livre et quand on réfléchit finalement à ces traces que l'on a de l'histoire de l'humanité, c'est d'ores et déjà, non pas un combat perdu, mais un combat pour lequel il y aura toujours des trous, des blancs. On ne remplira jamais toutes les cases, on n'aura jamais toutes les pièces du puzzle. Vraisemblablement. Je suis optimiste. On pouvait toujours ou dire alors que peut-être si, dans très très longtemps. Il y a peu de chance. Le point de départ de ce métier-là, c'est de chercher des fossiles et trouver des traces du passé. Et évidemment, c'est exceptionnel la fossilisation. Donc on trouve, à chaque fois qu'on trouve quelque chose, c'est un miracle, c'est quelque chose d'important. C'est pour ça que ça a une vraie valeur à chaque fois scientifique. Néanmoins, ça donne une image extrêmement partielle des différentes espèces humaines, des comportements de ces humains. Donc, par définition, on sait qu'on restera toujours dans le flou. Mais c'est pour ça que c'est important aussi de contraster ça et d'expliquer ce qu'on connaît vraiment de manière solide, ce qui est basé sur des données robustes. En fait, le consensus scientifique, la donnée scientifique, et ça c'est quelque chose qu'il faut réellement comprendre, ça a eu beaucoup d'éclat dans les médias ces deux dernières années. On a parlé beaucoup de science finalement, mais souvent on a mal expliqué la différence entre ce qu'est de la science et ce qu'est de la recherche. C'est vrai pour l'évolution humaine et c'est vrai beaucoup plus largement sur toutes les thématiques. La science, c'est le résultat de travaux menés par plein de gens qui ont passé plein de temps, qui ont testé des choses et qui ont construit des hypothèses, des conclusions qui sont solides, qui ont été validées, qui ont été éprouvées un certain nombre de fois. Ça ne veut pas dire qu'elles sont définitives. Elles pourront être montrées fausses dans quelques années avec de nouveaux progrès technologiques, de nouvelles données, etc. C'est la base des progrès scientifiques. Jusqu'à preuve du contraire. Mais le consensus scientifique, c'est quelque chose qui a une valeur, une solidité. À l'inverse, la recherche, c'est totalement aléatoire. Ça nous arrive à tous dans nos domaines de nous lancer sur un sujet, une thématique, un caractère, de se dire c'est génial, ça va révolutionner tout ce qu'on sait et finalement que ça ne marche pas. Et c'est pour ça qu'il faut être prudent et comprendre que c'est extrêmement différent ce qu'on connaît réellement, qui est solide, qui est un consensus scientifique, des pistes que les chercheurs peuvent avancer. Pour l'évolution humaine, c'est flagrant, c'est évident, et c'est vrai dans plein d'autres thématiques d'actualité dont on a pu parler ces derniers temps. Mais ce qui est passionnant avec la paléanthropologie, parce qu'il n'y a tout de même pas beaucoup de disciplines scientifiques qui ont vécu cette transformation ontologique, qui est de dire qu'on est passé d'un modèle à un autre modèle en 20, 30, 40 ans, et particulièrement ces dernières années, on est passé effectivement de ce fameux modèle linéaire qui est devenu obsolète à un tout autre modèle, et ça a changé tout de même la conception de notre histoire commune. Il n'y a pas beaucoup de disciplines qui se transforment à ce point comme s'est transformée la paléoanthropologie ces dernières 20-30 années, disons. C'est même encore plus grand que ça, finalement. L'étude de la préhistoire, de l'histoire de l'humanité dans le passé, c'est quelque chose d'extrêmement récent. Ça date d'il y a 150-200 ans, grand maximum. Et ça s'est toujours construit sur l'état des connaissances sociétales, culturelles, voire religieuses des humains et en plus d'une partie des humains. En gros, la préhistoire commence en Europe occidentale et se construit au fur et à mesure avec cette idée qu'il n'y a pas eu d'humains avant ou qu'il y a eu la création, etc. Et donc, il y a eu des chamboulements tout au cours de l'histoire de la préhistoire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est encore très compliqué d'avoir une distance totale, d'avoir une vraie approche scientifique. Quand on dit qu'aujourd'hui, on n'a plus d'idées reçues sur les humains du passé ou qu'on est certain de ce qu'on propose, c'est faux. On continue à projeter des choses fausses, à faire de l'actualisme avec les peuples de chasseurs-cueilleurs, alors qu'il est fort probable que les peuples du XVIIIe siècle ne sont pas des bonnes images, une bonne représentation de la diversité des comportements des humains pendant des dizaines de milliers d'années. Donc c'est une discipline qu'il faut considérer comme une discipline scientifique récente, finalement assez neuve, qui se transforme régulièrement et pour laquelle on injecte constamment des sciences humaines, des réflexions sur qui nous sommes, parce qu'on est notre propre sujet d'étude dans ce cas-là, et ce qui met aussi des limites et des contraintes. Donc c'est pour ça que vraiment c'est un sujet complexe et c'est important d'expliquer ce qui est solide, ce qui l'est moins et comment on réfléchit dans tous ces domaines-là. Et par ailleurs, c'est un sujet qui nous touche évidemment toutes et tous, parce qu'on a toutes et tous envie de savoir d'où on vient, comme on a toutes et tous certainement envie de savoir si on est seul. Ça fait partie des grandes questions que se pose l'être humain depuis le début des civilisations. Et c'est une discipline qui n'échappe pas à une forme de narration. Indiscutablement, parce que déjà on a des éléments et à partir de ces éléments on va essayer de construire une histoire, évidemment, mais c'est là que c'est important de faire la distinction entre ce qui est de la vraie donnée scientifique, des points qui nous donnent des informations solides, et ce qu'on interprète. Et au-delà de l'interprétation, parce que finalement, une bonne partie des choses dans ma discipline, il y a un article qui sort toutes les deux semaines disant que ça révolutionne les connaissances. En général, c'est pas une révolution des connaissances, c'est juste une nouvelle histoire, une nouvelle supposition en fait qui est proposée, qui est intéressante, qui est chouette, mais il faut faire le distinguo entre les vrais progrès scientifiques, les choses qui transforment nos connaissances, comme la découverte de Toumaï, les premiers humains bipèdes d'il y a 7 millions d'années, l'homme de Florès, cet humain miniature qui a été contemporain d'Homo sapiens en Asie insulaire. Ça a plein d'implications sur notre compréhension de l'évolution humaine. Beaucoup des découvertes qu'on annonce à grands coups de presse en disant que c'est révolutionnaire ne sont pas à ce point-là révolutionnaires. Il faut faire le distinguo entre les vraies données robustes et puis les suppositions qu'on peut faire à partir de ça. Mais là, vous évoquez Florès. De mémoire, c'est 2003. Je parle sous votre contrôle. Florès, oui, et puis d'autres découvertes plus récentes, c'est ça qui est intéressant. Comme je le disais dans l'introduction de cette émission, Denisova, Luzonensis, cette famille, elle s'est particulièrement élargie, et on reparlera dans quelques instants des techniques qui ont permis justement de pousser des investigations et de faire parler des traces qui auparavant étaient peu ou prou silencieuses. Ces dernières années sont... Ça veut dire qu'on va continuer à trouver petit à petit, comme ça, d'autres petits groupes qui se sont diversifiés, d'autres sous-espèces d'espèces ou de sous-espèces de sous-espèces, vraisemblablement. On va continuer à réfléchir sur ce qu'on trouve, et ce qui est certain, c'est qu'on va toujours trouver plus de diversité, plus de superposition des groupes humains, parce que jusque-là, finalement, on a fouillé tellement peu de notre planète qu'il y a énormément de découvertes à venir, et plus on cherche... plus on trouve. Donc en effet, le message, l'histoire va devenir plus complexe, mais c'est aussi ce qui la rend passionnante. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une approche qui est différente. Pendant longtemps, on a eu cette idée très, très fixiste de ces théories basées sur des données, mais finalement peu de données, que l'humain était apparu en Afrique de l'Est, que les Néandertaliens s'arrêtaient aux limites de l'Europe, etc. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance à dire qu'en effet, on va trouver d'autres données, et il faut être conscient que c'est le cas. Quand on trouve un fossile plus à l'Est, à l'Ouest, au Nord ou plus ancien, ce n'est qu'un maillon, ce n'est pas le premier, c'est un, alors qu'il y en a eu d'autres avant et plus loin, donc on continue à chercher. Et typiquement, Yves Coppin, s'il s'amuse à ça ces derniers temps en disant, en remontant un peu les dates et en proposant toujours un peu vieux pour l'origine de chaque groupe, et finalement il a raison, parce qu'on va toujours trouver un petit peu plus vieux si on continue à chercher. Alors, vous remontez donc dans ce livre les différentes branches des origines de l'humanité. On va évidemment pas avoir le temps dans cette émission de remonter le fil de 7 millions d'années d'évolution depuis Toumaï, même si autour de Toumaï, il y a aussi des questions qui restent en suspens. Quel serait, selon vous, Antoine Balzo, là, l'exemple, les traits les plus saillants qui sont apparus dans cette histoire ces dernières années? Quelque chose, justement, l'un des fragments de cette grande frise chronologique qui vous paraît vraiment avoir fait basculer ou changer la donne? divers progrès technologiques et d'analyse sur les sites à partir des restes, etc., nous ont permis de connaître beaucoup plus de choses. Les analyses de protéines ou d'ADN dans les sédiments, c'est quelque chose de très très utile parce que finalement, quand on fouille un site archéologique, on est en quelque sorte en train de chercher dans les déchets qu'ont laissés les humains préhistoriques et en plus des déchets qu'ont traversés des dizaines de milliers d'années. Donc c'est extrêmement parcellaire. Et forcément, quand on se limite à quelques os et quelques cailloux, c'est compliqué d'arriver à refaire toute une image de ce qui s'est passé là. Ces techniques-là nous apportent beaucoup, beaucoup d'informations complémentaires et puis on les applique de mieux en mieux et plus largement, ce qui fait que ça nous a vraiment complété le schéma. Et ces derniers temps, c'est vrai que cette découverte des Denisoviens à partir de données génétiques a lancé tout un mode de réflexion, de recherche autour de qui ils étaient. Déjà, là, il y a un grand concours international qui est ouvert pour les paléoanthropologues de trouver le premier reste suffisamment complet de Denisovien pour décrire la biologie des Denisoviens. Jusque-là, on ne l'a pas. Mais même leur extension est dans le temps et dans l'espace, on ne la connaît pas encore. Et donc, c'est crucial parce qu'on se rend bien compte qu'ils ont vécu entre Homo sapiens, entre Néandertal, peut-être même Homo erectus, au centre de l'Asie, peut-être même plus largement. Et voilà, c'est merveilleux. D'un seul coup, on a cet élément qui apparaît, qui complexifie beaucoup les choses, mais qui nous permet d'envisager faire plein de découvertes dans les années qui viennent. Et puis, si vous parlez des Denisoviens, il y a cette découverte remarquable qui est toute récente de l'enfant, des restes d'un enfant hybride Néandertal-Denisova de première génération, qui là aussi montre justement ce chevauchement, ce tuilage finalement entre ces différentes espèces humaines. C'est une découverte exceptionnel au ouais. premier sens du terme, extraordinaire aussi, qui nous démontre par sa présence la réalité de ce mélange, puisqu'on a un papa, une maman de deux espèces différentes. C'est vraiment génial. Et puis, par contre, qu'il y a une certaine limite pour notre compréhension de l'évolution humaine. Parce que finalement, on savait qu'il y avait eu des métissages, on avait des traces de gènes. On trouve cet individu, malheureusement, c'est juste un tout petit fragment d'os qui n'a été identifié que par ses protéines et par ses gènes. Donc finalement, ça ne nous donne aucune indication sur la biologie de ce métis-là. C'est très intéressant, hein, mais c'est vrai qu'on ne peut pas l'appliquer finalement à notre compréhension de la diversité biologique des humains, et d'où l'intérêt de continuer à chercher et peut-être un jour trouver des spécimens un peu métis d'un point de vue biologique aussi pour encore mieux comprendre ce qui a pu se passer. Puis ce qui est passionnant, et vous le dites d'ailleurs à plusieurs reprises, c'est de se projeter il y a très très peu de temps dans l'histoire de la planète, dans l'histoire du vivant, c'est-à-dire il y a à peine 100 000 ans, où il y a 100 000 ans, il y a encore plusieurs espèces humaines qui cohabitent, qui se mélangent, certainement peut-être même plus que ce que l'on décrit aujourd'hui, c'est ce que vous laissez entendre à demi-mot en tout cas, et puis d'un seul coup, boum, en quelques dizaines de milliers d'années, il n'y en a plus qu'une. Oui, une histoire assez incroyable, finalement, et qu'on explique pas encore totalement, pas du tout même. Ce qui est flagrant, c'est qu'il y a un contraste énorme. Finalement, l'humanité, pendant des millions d'années, s'est répartie à travers le monde, par étapes, par continent, par période. Il y a d'abord eu toute l'Afrique avec une diversité d'australopithèques. Ensuite, Homo erectus qui part sur l'ancien monde, des humains qui vont se diversifier à travers tout cet ancien monde, qui vont cohabiter, qui vont rester quand même suffisamment différents d'un point de vue anatomique et génétique pour qu'on les reconnaisse. Avec un fragment de crâne de 2 cm carrés, on peut reconnaître un bout de néandertalien ou d'homo sapiens. Avec juste une petite séquence de gènes, on arrive à voir que c'est différent. Donc finalement, ça nous montre bien qu'il y a eu des lignées différentes, des espèces différentes. La notion d'espèce, c'est purement une définition scientifique. C'est pas quelque chose qui existe réellement dans la nature. C'est nous qui avons voulu mettre un nom. Et justement là, on a ces évidences et biologiques et génétiques qui nous disent qu'il y avait ces groupes différents, qui globalement restaient différents et de temps en temps échangeaient des gènes, ce qui montre une mosaïque humaine sur la planète qui n'existe plus du tout aujourd'hui, qui est difficile à concevoir. Mais c'est pas le seul aspect finalement difficile à concevoir. On a tellement transformer le monde depuis quelques milliers d'années qu'on s'est totalement extrait de ce qu'a pu être l'homme, l'humanité et sa relation à la planète au cours des millénaires qui ont précédé. Vous expliquez, Antoine Balzo, aussi que du coup les hominines d'Europe et d'Asie jusqu'à 50 000 ans ont donc de facto tous succombé sans descendance et que Sapiens aurait en quelque sorte été sauvé par ceux qui étaient restés en Afrique et qui peu à peu se sont distribués sur le reste du monde. Oui, ça c'est aussi une découverte récente, le cumul des informations que l'on a, qui nous montre, et en particulier la diversité génétique des humains aujourd'hui, nous montre que notre histoire n'est pas aussi simple qu'elle est parfois schématisée et puis utilisée pour des discours simplistes justement et parfois politiques, de dire Homo sapiens est apparu en Afrique, ok, puis il s'est disséminé à travers le monde, s'est réparti sur la Terre, et puis tout le monde est resté sur place jusqu'aux humains d'aujourd'hui, et nous, nos racines sont sur le territoire français depuis toujours. Ça c'est une image extrêmement simpliste et justement la préhistoire, toutes nos analyses nous montrent que c'est même complètement faux. Les Homo sapiens se sont en effet déplacés et puis on continue à bouger au cours du temps évidemment et on se rend compte que tous les humains qui sont antérieurs à 50 000 ans en Eurasie n'ont pas contribué au patrimoine génétique de l'humanité d'aujourd'hui. Parce qu'ils ont aussi souffert de cette période de crise, ils ont disparu. Et les humains ultérieurs sont issus finalement de nouveaux débordements d'Afrique par d'autres humains qui sont répartis à nouveau à travers le monde. Donc à nouveau une vague hors d'Afrique, mais ça continue à bouger au cours du temps. Et même, par exemple, la couleur de peau, on a fait des progrès énormes sur l'expression génétique de ça et comment ça s'est dispersé au cours du temps. Longtemps, on a imaginé que c'était globalement lié à l'ensoleillement et à la réaction humaine et adaptation à l'ensoleillement. Finalement, c'est probablement plus complexe, en partie lié au changement alimentaire et la couleur de peau claire qu'on a longtemps imaginée comme quelque chose made in Europe depuis très longtemps, serait apparue il y a juste quelques milliers d'années en Asie centrale. Donc là encore, ça nous montre que les déplacements humains, ils ont été incessants et que finalement, cette histoire qu'on a voulu écrire d'une humanité très fixe est fausse pour toutes les périodes préhistoriques. Nous allons continuer à discuter avec Antoine Balzo, notamment de ses travaux les plus récents qui consistent à tâcher de reconstruire, de comprendre comment s'organise le cerveau de certaines de ces populations d'hominines. On en parle dans quelques secondes musicales. Voilà, Êtres humains de Philippe Catherine à 16h35 sur France Culture. C'est un peu la question que nous nous posons. Qu'est-ce qui fait de nous des êtres humains? D'où venons-nous? Et ce sont certaines de ces questions auxquelles tâche de répondre Antoine Balzo, paléoanthropologue au CNRS et au Muséum National d'Histoire Naturelle, spécialiste du cerveau humain et auteur de Brève Histoire des Origines de l'Humanité chez Taillandier. Alors on va s'intéresser à vos travaux actuels, Antoine Balzo. Parlez-nous de ce projet Paléo Brain. Qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, c'est un rêve un petit peu fou, c'est d'essayer d'étudier le cerveau des humains préhistoriques. C'est un petit peu fou dans le sens où, évidemment, on ne retrouve pas de cerveau fossilisé. Ce qu'on retrouve sont des os. Donc, on moule l'intérieur du crâne virtuellement, on fait de l'imagerie qui nous permet de reconstituer cette forme. Et par chance, le cerveau marque l'intérieur du crâne, alors chez nous et chez les humains du passé, hein, parce qu'ils sont imbriqués l'un dans l'autre tout au cours de notre croissance. Et ce qui fait que sur la surface interne du crâne, il y a des petites marques, des petites lignes, des petits faisceaux qui correspondent aux veines qui sont sur la surface de notre cerveau, mais qui correspondent aussi aux limites entre les différents lobes, ce qui fait qu'on peut recréer une sorte d'image de la surface externe du cerveau humain. Ce qui est exceptionnel, ce qui est chouette. La difficulté, c'est qu'il faut arriver à en faire quelque chose d'exploitable et de comprendre ce reflet virtuel du cerveau. Et évidemment, pour les spécimens fossiles, on n'a pas encore la carte ou la transcription qui nous permet de comprendre le cerveau des humains du passé. Et pour comprendre concrètement en quoi ces travaux consistent, mais comme d'habitude, nous sommes allés voir comment ça marche. Nous sommes rendus sur votre lieu de travail au Muséum National d'Histoire Naturelle. C'est le reportage du jour avec Alexandra Delbo. Bonjour Alexandra. Bonjour Nicolas. Et un problème de taille se pose. Le cerveau est un tissu mou. Il ne se fossilise donc pas. Pour contourner cette difficulté, il faut donc étudier l'endocrâne, c'est-à-dire les empreintes laissées par le cerveau sur la surface interne du crâne, comme un moulage. On parle de paléoneurologie. Mais avant de pouvoir reconstituer ces cerveaux anciens, il faut étudier les corrélations entre forme du cerveau et endocrâne chez les humains actuels, ce qui n'avait jamais été fait auparavant. Dans cette étude, les endocrânes de volontaires bien vivants sont obtenus à partir d'images d'IRM et ensuite reconstitués en 3D. J'ai rencontré Andrea Filippo, ingénieur d'études CNRS en charge du traitement des données d'imagerie. Le souci qu'on rencontre en paléontologie, c'est que tout le corps ne se fossilise pas. Donc en fait, si on veut s'intéresser à l'anatomie d'un corps d'une espèce qui n'existe plus, c'est beaucoup plus complexe que si on voulait le faire aujourd'hui sur une espèce actuelle. Ici, nous, ce qui nous intéresse, c'est le cerveau. Donc le cerveau, on ne le retrouve pas parce qu'il ne se fossilise pas. Par contre, il laisse une sorte d'empreinte, de marque à l'intérieur du crâne, qu'on appelle l'endocrâne. Et la question, c'est de savoir est-ce qu'on peut mettre un lien, établir un lien entre la forme du cerveau et cette fameuse empreinte, cette marque à l'intérieur du crâne. Et le but, c'est de pouvoir comprendre potentiellement des fonctions cérébrales qui auraient été utilisées par ces fossiles-là. Oui, parce que en fait, il y a toute une histoire d'asymétrie du cerveau. Les régions sont spécialisées en fonction des tâches à accomplir, par exemple pour le langage, etc. Ça, aujourd'hui, on sait vraiment, on connaît ces zones-là, et le fait de pouvoir mieux comprendre le lien entre cette forme du cerveau et la structure interne du crâne, ça pourrait éventuellement inférer certaines, on va dire, formes, tailles du cerveau, et éventuellement avoir une idée des capacités des espèces humaines fossiles. Donc ce que vous faites pour pouvoir étudier endocrâne et cerveau, c'est que vous faites passer des IRM pour essayer de reconstruire justement ces deux parties. Oui, on va recevoir des volontaires, donc c'est du personnel du muséum ou même des personnes extérieures que l'on connaît. Les images qu'on va obtenir vont nous permettre de reconstituer virtuellement en trois dimensions différentes parties de la tête. Pour que vous imaginiez, faut visualiser un cake. Et c'est comme si on coupait des parts et qu'on regardait l'intérieur de chaque part. Alors du coup, ici, ce qu'on peut voir, c'est quand je fais défiler cet outil-là, on est à différentes hauteurs de la tête. Donc en fait, c'est comme si on passait du menton en passant par le nez, les yeux, le front et hop, le dessus du crâne. Et ce qu'on voit apparaître progressivement, c'est du coup chaque partie. Donc là, autour, on a la peau, après on a l'os, et puis le cerveau à l'intérieur. Et on distingue bien vraiment tous les volumes du cerveau avec toutes ces nuances de gris qui nous permettent vraiment de distinguer chacune des parties. Et ce que vous faites après, c'est que vous cherchez à pouvoir reconstituer en 3D ces images-là d'IRM. Oui, alors en fait, il faut imaginer que le cerveau, il va laisser certaines traces à l'intérieur du crâne, donc les différents lobes, les veines, les artères. Donc c'est comme, faut vraiment imaginer comme si vous marchiez dans le sable et que ça laissait l'empreinte de vos doigts de pied, la plante de pied. Là, ça fait pareil. Il faut imaginer le moulage de l'intérieur du crâne. Donc ça a vraiment la forme du cerveau. Par contre, ça a une surface lisse. Et à certains endroits, par contre, on distingue vraiment certains traits, certains reliefs plus ou moins élevés, et ça correspond à certaines zones du cerveau. Pour l'instant, de ce projet, où est-ce que vous en êtes? quelles sont les différentes étapes à suivre en méthodologie et en potentiel résultat à venir? Alors là, à l'heure d'aujourd'hui, on a réussi à mettre en place un protocole, c'est-à-dire réfléchir aux outils qu'on allait utiliser pour reconstituer le cerveau et l'endocrane. Et on va ce week-end recevoir les premiers volontaires pour passer les IRM. Une fois qu'on aura toutes ces images-là, c'est là que j'interviens en fait. Ça va être mon travail de, à partir de ces images, de reconstituer les différentes parties de la tête qui nous intéressent. Une fois qu'on aura tous ces modèles-là, c'est là qu'on fera toute la partie analyse. Donc essayer d'établir un lien entre le cerveau et l'intérieur du crâne. Donc en fait, c'est ce que je disais, il faut essayer de comprendre quelle partie du cerveau a laissé telle ou telle trace. Ça va être le puzzle un peu à reconstruire. Et dans un second temps, il faudra travailler sur les crânes des fossiles. Donc ces fossiles-là, ils sont tout simplement scannés. On obtient également des images comme ça, en coupe du crâne. Et on a également des outils qui nous permettent de reconstituer cette empreinte. Ça fait, faut imaginer que ça comble l'espace à l'intérieur et que ça l'inverse. Comme si, je sais pas, on voulait retourner un moule. Et on a du coup toutes ces empreintes qui apparaissent. Et en fait, si aujourd'hui on arrive à bien comprendre à quoi correspondent ces empreintes-là, aujourd'hui sur notre crâne, on pourra inférer et essayer d'imaginer quelle partie du cerveau ça pouvait être. Et comme le crâne, on a vraiment une idée du volume, de l'espace, etc. à l'intérieur, on peut imaginer la forme que pouvait avoir le cerveau. Voilà, Antoine Balzo, c'est une explication de ce sur quoi vous travaillez en ce moment. Une réaction, un commentaire, vous voulez compléter ce que l'on vient d'entendre? Compléter un petit peu, oui, on a deux grands axes complémentaires. Cette partie d'imagerie sur des volontaires où on utilise des séquences différentes d'IRM. C'est ça aussi l'originalité, c'est qu'on arrive à imager sur les mêmes personnes et la forme du cerveau, et puis plein de caractères internes avec des séquences différentes, et puis aussi l'os. Et c'est ça qui est original et nouveau, c'est qu'on a tous les tissus en même temps et qu'on va pouvoir étudier ça conjointement pour faire une sorte de vrai atlas anatomique de la correspondance entre les tissus mous et l'os qu'on pourra appliquer après aux fossiles. Et puis le second aspect du projet, c'est aussi d'essayer de relier ces caractères biologiques du cerveau au comportement. Et pour faire ça, tous les volontaires qu'on avait dans cette étude-là ont aussi passé tout un ensemble de tests différents, de saisie, de précision, de force, d'asymétrie aussi de la vision, de l'audition, pour vraiment essayer de caractériser au mieux toute la latéralité qu'on peut avoir. C'est évident, on est droitier ou gaucher, mais c'est beaucoup plus complexe que ça dans le détail. Et aujourd'hui, même si on connaît bien ça, le fait d'être droitier ou gaucher, l'effet que ça a aussi au niveau du cerveau, on sait que les droitiers ont globalement à 90% un cerveau qui est asymétrique dans le même sens, avec le lobe frontal, l'avant du cerveau qui est plus avancé du côté droit, et la partie postérieure du cerveau qui est plus projetée vers l'arrière du côté gauche. Ce lien-là, on le connaît, mais c'est 90% des droitiers qui ont ce caractère-là. On ne connaît pas le détail. Et ce qu'on va être capable de faire là, c'est mesurer le détail de la latéralité en fonction des tâches et les capacités de force et de précision et de résultats obtenus avec les différentes zones du cerveau. Et là, l'intérêt, c'est que justement, on arrivera à quantifier le lien entre le degré de latéralité et le degré d'asymétrie anatomique du cerveau. Et ça, ce sera nouveau. Et l'objectif, évidemment, c'est d'appliquer ça aux humains fossiles, d'étudier aussi des squelettes des néandertaliens pour, à partir de leur robustesse des bras, par exemple, arriver à mieux comprendre le lien qu'il pouvait y avoir aussi, et puis de dire s'ils étaient plus ou moins droitiers, quelles activités ils pouvaient faire plus ou moins d'une main, etc. Parce que l'asymétrie serait donc en fait une sorte de moteur évolutif, c'est pas quelque chose de totalement naturel, enfin naturel alors, entendons-nous bien, que l'on retrouve spontanément partout dans l'évolution. Il y en a partout, de l'asymétrie, on est tous globalement symétriques, mais il y a une déformation autour de cette symétrie. Et il y a différents types d'asymétrie. Globalement, on appelle l'asymétrie fluctuante toute la diversité qu'il peut y avoir autour de la norme et qui est complètement aléatoire. On a tous le visage qui est différent à droite et à gauche. On a tous des caractères biologiques comme ça qui sont dans un sens ou dans l'autre, et c'est la norme dans le vivant. Par contre, il y a des caractéristiques biologiques qui vont être dirigées dans un sens et qui sont, dans ce cas-là, liées aux fonctions. La symétrie fluctuante, c'est l'environnement qui a un impact. La fonction, la biologie, tout le patrimoine génétique va coder, va informer tout ce qui est latéralité. Et le fait d'être droitier ou gaucher, eh ben, c'est quelque chose qui est codé, qui est marqué beaucoup plus majoritairement dans un sens et qui est visible aussi au niveau du cerveau. Et la vraie question du projet, c'est de faire un lien plus précis entre ces asymétries cérébrales et les asymétries comportementales pour, grâce à cette nouvelle connaissance, cette petite lueur, essayer de comprendre un peu mieux les spécimens fossiles. C'est-à-dire que si je résume, et corrigez-moi ou interrompez-moi si je me trompe, on aurait acquis au cours de l'évolution cette latéralité de fonction, ce qui serait finalement synonyme d'une spécialisation ou d'une augmentation d'un certain nombre de capacités motrices ou cognitives. Il y a des différences entre les primates vivants. Par exemple, aujourd'hui, sur la latéralité, les chimpanzés, les gorilles peuvent avoir une latéralité, être plus ou moins gauchers ou droitiers, mais c'est plus complexe que chez nous parce qu'il y a une part liée à l'enseignement, à la population. Chez les chimpanzés, certains comportements peuvent être extrêmement latéralisés, nettoyer un bout de bois, utiliser ce bout de bois pour attraper des termites. Il peut être très latéralisé à 75% de la main droite, mais si on compare avec un autre groupe un peu plus loin, ça peut être l'autre main. Mmh. Ou alors le comportement peut être complètement absent. Donc il y a plein d'autres facteurs qui jouent. Chez les humains, on observe que anatomiquement, et puis au niveau des micro-usures des dents, aux différentes caractéristiques que l'on a, les Homo sapiens et les Néandertaliens semblent être asymétriques de la même manière. Donc c'est quelque chose de partagé qui est apparu il y a un moment. La question aussi, c'est de comprendre justement ce lien au niveau du cerveau. Et c'est pour ça que j'essaye de mener cette étude de détail chez nous, pour mieux comprendre aussi les bras, les jambes, l'asymétrie fonctionnelle des Néandertaliens, et après essayer de mieux comprendre le cerveau de tout le monde. Ce projet d'imagerie paléo-brain, donc là, on a bien entendu ces travaux sur l'asymétrie, mais il pourrait nous permettre vraiment d'avoir accès à d'autres types de fonctions cognitives. Comment est-ce que vous pourriez comprendre mieux finalement ce que cette image va permettre comme accès à la compréhension globale de la cognition ou des fonctions motrices? En réalité, le projet va contribuer à montrer que le lien entre la forme du cerveau et la fonction est beaucoup plus complexe que ce qu'on imagine en général et de ce qu'on a longtemps dit aussi. C'est vrai qu'on, c'est ce que je vous disais au départ, on a eu cette image de l'humain parle, l'humain est droitier, les autres êtres vivants ne le sont pas. Donc si on voit des caractéristiques particulières de notre cerveau, c'est lié à ces particularités. Donc on a imaginé que l'asymétrie du cerveau était totalement liée au fait d'être droitier, que certaines zones ou gaucher, que certaines zones étaient impliquées dans le langage, ce qui est une certitude, mais qu'elles n'étaient pas présentes chez les autres êtres vivants. Et aujourd'hui, les travaux anatomiques de comparaison entre les grands singes et les humains, mais aussi les travaux de comportement montrent que les asymétries cérébrales que l'on a chez nous se retrouvent à une plus petite échelle chez les chimpanzés, par exemple, avec le même ordre de distribution, les mêmes caractéristiques anatomiques, mais plus petites, et sont aussi liées à des latéralisations dans les communications ou dans les manipulations. Alors on n'a pas tout le détail, c'est encore très très loin d'être complètement précis, mais c'est ce qui est aussi très intéressant d'étudier plus dans le détail, et c'est pour ça aussi que c'est important de mieux comprendre l'anatomie du cerveau au cours de l'évolution, pour arriver à mieux apprécier ce qui nous caractérise réellement d'un point de vue biologique, essayer de mieux comprendre aussi ce qui est vraiment lié uniquement à nos fonctions ou qui n'est finalement que le résultat du hasard et de nos particularités anatomiques. Ce qui est passionnant dans ces travaux et dans l'évolution générale de la pratique de la paléoanthropologie depuis le début des années 2000 ou peut-être même un peu avant, c'est l'ensemble de ces technologies nouvelles auxquelles vous avez accès et qui vous permettent, comme on l'évoquait tout à l'heure Antoine Balzo, de faire parler des traces qui étaient silencieuse ou dont on n'imaginait pas qu'elle pourrait nous délivrer de nouvelles informations. C'est certain, ça, on bénéficie de tous ces apports-là. Mais finalement, des nouvelles techniques, il y en a eu tout le temps, au cours du temps. L'apparition des méthodes de datation tout au cours du XXe siècle, en préhistoire, c'était quelque chose d'extrêmement important. Il faut imaginer que même il y a 50 ans, finalement, quand on parlait du passé, on donnait des grandes dates où on avait fait un découpage qui était lié à des comportements technologiques, à des outils différents, mais finalement, on ne connaissait pas réellement la chronologie des humains. Là, on l'a maintenant. Donc ça, ça a été un apport. Aujourd'hui, on a de nouvelles techniques, la protéomique, la génétique qui documente dans les sites archéologiques. Tous les objets maintenant peuvent donner du signal et de l'information, donc on va beaucoup plus loin. C'est évidemment extraordinaire. Et puis pour nous, l'imagerie, c'est vrai qu'on est allé à une échelle complètement différente. On a maintenant des tomographes. Au muséum, on a la chance d'avoir un microtomographe. Rappelez-nous ce que c'est en un mot. Un microtomographe, c'est une machine qui émet des rayons X. Sur le principe, c'est la même chose qu'une machine à radio, qu'un scanner. La différence, c'est que on va avoir une résolution qui va être des milliers de fois supérieure à ce qu'on a dans un scanner médical normal, classique. Ce qui fait qu'on va avoir une qualité de détail d'information sur nos spécimens fossiles qui nous permet aujourd'hui d'être beaucoup plus précis et puis d'avoir ce fol espoir d'essayer de reconstituer ces cerveaux-là parce qu'on a tous ces petits faisceaux d'indices qu'on va essayer d'étudier et comparer avec les humains, essayer de mieux comprendre le cerveau des humains du passé. Là, un mot peut-être aussi sur la protéomique, parce que on a longtemps dit que la paléoanthropologie était intrinsèquement limitée au fait que l'ADN se dégrade très rapidement, qu'il en reste très peu, qu'il est très difficile. D'ailleurs, jusqu'où on peut faire parler l'ADN, Antoine Mazo? Le plus vieux, c'est quoi? Jusqu'aux prochains travail voilà. Qui va être publié, disant qu'ils ont réussi à remonter plus loin. Les traces les plus anciennes sont centaines de milliers d'années maintenant, mais dans des cas extrêmement particulier, conservé dans un très grand froid. Pour les fossiles plus récents, mais dans des régions où il fait plus chaud, l'ADN se dégrade, il n'y a pas de traces. C'est vrai que la protéomique étudie les protéines et arrive à avoir un message aussi qui est complémentaire, qui est extrêmement intéressant, parce que grâce à la protéomique, on arrive à identifier l'espèce. Et parfois si ce sont des restes humains, et ça c'est quelque chose qui apporte vraiment beaucoup à la préhistoire, aux disciplines archéologiques, parce que imaginez, on fouille un site, on trouve des restes, certains sont identifiables, reconnaissables, on peut dire quelle espèce c'est, mais la majorité, 95 à 99%, sont des fragments qu'on peut difficilement étudier. Là, la protéomique permet de donner un nom, mettre une étiquette sur chacun des objets, et parmi ceux-là, certains sont des restes humains qui peuvent après être étudiés plus en détail par la paléogénétique. Donc on multiplie vraiment l'information génétique des protéines de toutes les populations. Donc c'est extrêmement intéressant. Ça apporte un vrai plus. Il reste à faire quand même tout le travail de paléoanthropologie, essayer de donner une image biologique de ces humains, parce que finalement c'est une finalité qui est importante d'arriver à décrire ces humains-là et à les comparer entre eux pour comprendre l'évolution. La protéine ou la génétique nous donne aussi des codes, nous donne des dates, mais finalement il reste aussi à faire de la paléontologie classique, c'est quand même extrêmement important, et donc on poursuit ces travaux-là. Vous venez de dire, c'est intéressant, vous venez de dire ce qui fait d'eux des êtres humains, ça veut dire que est-ce que cette notion-là finalement fait encore du sens? Qu'est-ce que c'est qu'être un être humain? Est-ce que finalement tout ce travail-là, tout ce travail de buissonnement, tous ces travaux de recherche rendent cette catégorie un peu obsolète, non? C'est presque philosophique comme question. C'est exactement pour ça que je vous la pose. Je vais vous donner la réponse d'un paléoanthropologue, ma réponse, donc qui sera pas forcément partagée par tout le monde. Mais ce qui est important, c'est d'arriver à trouver des définitions qui fonctionnent. La première définition qui marche bien, c'est de dire que les humains, c'est le grand groupe de primates dont l'anatomie s'est transformée en lien avec la bipédie. Le plus ancien, c'est Toumaï. Quand on regarde la morphologie de son crâne, il n'y a pas de discussion. La base du crâne implique que sa colonne vertébrale était en dessous et que son corps s'était transformé pour être bipède. On peut toujours discuter du détail de l'adaptation d'humains aussi anciens, mais en tout cas, il n'y a pas de doute. 7 millions d'années, Toumaï, rappelons-nous. 7 millions d'années, les australopithèques ensuite, etc. Toute une diversité d'espèces, très variées, ce ne sont pas les mêmes. Mais voilà l'humanité définie à partir de la bipédie. Ensuite, on a eu cette idée de définir grâce à l'apparition de nouveaux comportements avec les outils. On a créé Homo habilis comme ça. Premier fossile trouvé associé à des outils, on a dit, voilà, c'est Homo habilis, l'homme habile. Or, à l'époque, il y avait déjà un petit doute, parce que dans le même site, il y avait un crâne de paranthrope aussi au même niveau que les outils. Aujourd'hui, on sait que les premiers outils sont plus anciens qu'Homo habilis. On a plusieurs évidences d'australopithèques faisant des outils, et parfois des outils très compliqués d'ailleurs. Donc cette définition comportementale, elle est difficile à appliquer à un seul groupe humain. Pas de définition très très claire d'un point de vue comportemental. Homo erectus, c'est un humain ultérieur qui nous ressemble par contre d'un point de vue biologique. Stature plus grande, jambes plus grandes, bras plus courts. Là, c'est un moment important. Les humains viennent sur tout l'ancien monde, donc c'est une étape importante de notre histoire. Et puis pour les périodes plus récentes, bah, ça devient assez compliqué parce que finalement, il y a des choses qui apparaissent au cours du temps. Le feu, des outils plus complexes, des comportements symboliques, le fait d'enterrer ses morts, mais qui semblent être partagés par plusieurs espèces humaines. Alors, à différents niveaux de temps, hein, mais qui peuvent être communs à plusieurs groupes humains. Comme Néandertal, Denisova, pourquoi pas? On n'a pas de preuves, mais on s'en doute. Pour le moment, pas trop, mais en fait, pour résumer cette image-là, si on veut essayer de définir ce qu'était un Néandertalien, un humain d'il y a 40 000 ans, qu'on essaye de concevoir quelles capacités ils avaient, moi, je suis vraiment convaincu que moi, ce Néandertalien ou cet Homo sapiens d'il y a 40 000 ans, on a le même ordre de capacité intellectuelle. Évidemment, quand on dit ça, on fait mondier, on dit « oui, mais là, émission de radio, je vous écoute et tout ». Oui, mais ça, on le fait parce que plein d'autres contribuent à ça. On a, au cours des millénaires, su enregistrer l'information, l'écriture, l'informatique, toutes ces inventions qui ont permis aujourd'hui de stocker des données. Quand on regarde le détail des productions archéologiques, on compare les capacités, moi je pense réellement que je suis pas plus intelligent qu'un Néandertalien. Je saurais pas faire les outils qu'il faisait, il faudrait m'expliquer très longtemps, et heureusement il serait là pour le faire si j'avais la possibilité. Et voilà, il montrerait qu'il est aussi intelligent que moi. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, dans la définition d'humain, est fondamental. Pour moi, notre intelligence qu'on pense supérieure, c'est quelque chose qui existe depuis des dizaines de milliers d'années, qui est partagé avec d'autres espèces humaines. À l'inverse, qui nous caractérise vraiment aujourd'hui, c'est cette connaissance mutualisée, cette chance que l'on a d'avoir ce cumul d'informations et donc aussi cette obligation que l'on a d'essayer de la partager mieux, de l'utiliser mieux. Une dernière question pour conclure, Antoine Balzo, est-ce que finalement, donc toutes ces découvertes qui s'amassent, cette connaissance qui s'accumule autour de notre propre histoire, c'est un peu à l'image d'une image qui devient de plus en plus nette à quelques endroits, qui reste globalement floue, mais sur laquelle on a des petits zooms qui nous permettent d'avoir de plus en plus de détails. Est-ce qu'il est envisageable que ressorte à un moment donné de cette image quelque chose qui rebatte les cartes, c'est-à-dire qui nous fasse penser, qui nous fasse passer à autre chose, comme nous sommes passés de la linéarité au système de buissonnement? C'est le jeu. C'est le jeu de la science. On peut toujours trouver quelque chose de complètement inattendu. Je vous le disais, Toumaï, Flores, etc. On peut imaginer trouver autre chose. C'est la base de la science, en fait. Je ne peux pas vous dire ce qu'on pourrait trouver, puisque justement, c'est pas prédictible. Mais c'est ce qui est aussi intéressant et passionnant. La réalité, quand même, c'est que 95% de ce qu'on raconte, si on le raconte de manière raisonnable, en mettant des conditionnels, ne sera pas transformé de manière totalement radicale ou à la marge. C'est pour ça qu'on a quand même maintenant une belle histoire, une belle connaissance, et qu'on va continuer au cours du temps à préciser tout ça. Eh bien, cette belle histoire et ces belles connaissances, elles sont remarquablement racontées dans cette brève histoire des origines de l'humanité, le nouveau livre d'Antoine Balzo aux éditions Taillandier, préfacé par celui qui fut le parrain de la méthode scientifique lors de notre première émission il y a 6 ans déjà, Yves Coppens, qui ici nous écoute. Nous le saluons bien évidemment très chaleureusement. Merci beaucoup Antoine Balzo d'avoir été avec nous. La méthode scientifique, c'est Alexandra Delbo, Céline Lozen, Natacha Triou, Noémie Naguette-Saint-Vulfranc, Ève Etienne, Amel Boucherka, Antoine Beauchamp, Olivier Bétard à la réalisation, Alex Dang à la technique, et comme toujours, la méthode scientifique, c'est en podcast sur l'application Radio France et en réécoute sur le site franceculture.fr, et ce à tout jamais jusqu'à la fin des temps, jusqu'à preuve du contraire.